Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Un débat qui, aujourd'hui, va porter sur les contributions financières des Burundais pour les élections de 2020. Où en est-on à l'état actuel des choses? Est-ce que les citoyens sont toujours appelés à contribuer pour ces élections? Quels seraient les défis encore à relever du moment que l'on approche de plus en plus ce grand rendez-vous électoral? Quelles perspectives aussi? Le président burundais a annoncé dans son discours marquant le 57e anniversaire de l'indépendance nationale que ses contributions financières de la population pour les élections sont suspendues, rassurant que l'on est sur le point d'avoir les moyens prévus. Y aurait-il des Burundais qui sont obligés de contribuer à ce jour? Et bien d'autres questions encore. Quatre invités sont avec nous sur le plateau, tous responsables des partis politiques. Olivier Nkurunziza, c'est le secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Gaspard Kowako, il est le porte-parole du parti CNDD. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue à ceux qui nous écoutent tous. Nous sommes également avec Kefa Niwizi, le président du Frode Bunyakuri, Iragi Diandadaye. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour nous avoir invités. Je salue le plateau et tous ceux qui nous écoutent. Il y a aussi Oswald Nakirutimana, secrétaire général du parti Soranya Frodebu. Bonjour et bienvenue à l'émission Mosaïque. Bonjour et je remercie la radio Isanganiro pour avoir organisé ce débat. Mais aussi je salue le plateau et l'auditoire qui nous écoute. Merci. La mise en onde est assurée par Séraphine Akizimana, Jérôme Nionzima est à la réalisation et au micro, Léonce Bitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir. Et bienvenue à votre émission Mosaïque. Vous n'avez pas du sang à Milo ? Vous ratez l'essentiel. Rendons-nous d'abord au sein du parti UPRONA. Olivier Nkurunziza, le porte-parole. Est-ce que les contributions financières pour les élections de 2020 continuent chez vous, au sein de l'UPRONA ? D'abord, au niveau du parti UPRONA, il y a l'organisation interne où les membres du parti UPRONA doivent contribuer pour les élections. Peut-être vous voulez demander sur la décision du gouvernement qui avait demandé à la population burundaise de contribuer pour les élections 2020. Oui, c'est ça. Au niveau du parti UPRONA, je ne sais pas si ça continue, sinon, au niveau de la population burundaise seulement, vous savez qu'il y a des organisations au sein des partis politiques. Et je sais que, bien sûr, il y a eu des lamentations au niveau de la population burundaise qui, dans le week-end passé, grognait en disant qu'il y a une contribution de 1000 francs, peut-être par ménage. Mais après avoir fait des investigations, nous avons vu que c'était une organisation interne du parti au pouvoir qui avait bien sûr l'objectif de rencontrer ses membres sur la colline et où ils devraient contribuer au sein de ce parti. Mais seulement ce qui se passe, c'est que seulement au niveau de la population, il y a des gens responsables à la base qui ne savent pas distinguer leurs membres et demandent la contribution à tout le monde. Mmh. Au sein du parti UPRONA, quand il y a eu cette lamentation, nous avons demandé à nos membres... Est-ce qu'il y a des UPRONistes qui auraient été approchés pour ça? Ceux qui ont été approchés, effectivement, nous ont téléphoné, nous les avons bien sûr éclairci que la contribution aujourd'hui est arrêtée, que c'est la contribution pour le parti, c'est l'organisation interne du parti, que si quelqu'un vient vous demander, étant UPRONiste, que c'est vraiment n'est pas permis. Aujourd'hui, alors je pense qu'ils ont bien compris. Ou bien il y en a qui se font pour des UPRONistes ou autres partis, autres que le CNDD. On n'a pas vraiment un appareil pour détecter effectivement celui qui peut mentir. Tu peux contribuer partout pour les deux. Mais aujourd'hui, quand tu es un UPRONiste, tu dois contribuer pour ton parti politique. Alors aujourd'hui... Pas au niveau national. Au niveau national, bien sûr, il y a dès la base au sommet, il y a l'organisation. Donc pour contribuer pour le parti, mais pas pour cette caisse. Non, pour l'organisation de qu'avait demandé au niveau du gouvernement pour que la population burundaise contribue. Cette décision a été arrêtée, sauf les volontaires aujourd'hui. C'est ce que nous savons jusqu'à l'heure actuelle. C'est peut-être la même question pour les autres intervenants ici. Gaspard Kobako au sein du parti CNDD. Est-ce que chez vous, on continue ou pas, ou on a arrêté ces contributions? Merci pour la question, M. Léon Selbitariho. Merci pour la question. Et je voudrais justement dire que le président de la République, au cours du 57e anniversaire, a annoncé solennellement et officiellement que les contributions pour les élections de 2020 ont été arrêtées, sauf pour ceux qui veulent le faire volontairement. Évidemment, le faire de manière volontaire, il n'a pas précisé que c'est pour les membres du parti au pouvoir, pour certains membres. Donc, c'est pour toutes les personnes qui voudraient le faire volontairement. Mais aussi, maintenant, pour la question... Il y en a aussi qui ne l'ont pas encore fait aussi. Je ne les connais pas. La contribution a été exigée ou a été exigible pour tout Burundais, fonctionnaires, ménages, élèves, toutes catégories confondues, qu'ils le veuillent ou non. Mais nous considérons que c'est un acte patriotique, surtout pour ceux qui veulent être impliqués aux élections. Alors, revenons maintenant au cas du parti CNDD. Nous avons été alertés depuis une semaine ou deux que nos membres, c'est des représentants qui nous ont alertés en disant qu'il y a des contributions qui continuent à être perçues. Mais nous leur avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces contributions continuent à être perçues alors que le président de la République a dit que c'est arrêté parce que les contributions ont été suffisantes. D'ailleurs, nous sommes informés via le ministère de l'Intérieur au cours d'une réunion que nous avons eue à Gitega, je crois que c'était le 21, que les contributions étaient amplement suffisantes, sauf la part qui devait revenir, je crois, à l'État. Et je pense qu'à l'état actuel des choses, ces contributions sont au top. Maintenant, pour ceux qui continuent à les exiger, parce qu'il y en a qui les exigent, notamment les gens de l'administration. Il y a des administrations qui exigent ces contributions. Oui, pas plus tard que ce matin. Après le discours du président. Ben oui, j'ai cherché à savoir si ces contributions continuent à être perçues. À Moyinga, à titre exemplatif, ils ont exigé, les administratifs ont demandé, avec leurs collabos, qu'on continue à verser ces cotisations. Évidemment, notre représentant, vigilante, qu'elle est, c'est une dame très brave, a dit « Niet, je ne donne pas de contribution en dehors de celles qui ont été exigées. » Encore que ces contributions ont été arrêtées officiellement et solennellement le jour où nous avons célébré le 57e anniversaire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner maintenant, dans une est-ce autre qu'il y a des explications qu'elle en donne pour il n'y a pas d'explication. Voilà, je vais vous donner celles qui ont été fournies à notre représentante. Alors, ceux qui étaient en train de les percevoir ont dit, si vous ne versez pas ces cotisations, vous êtes considérés comme des renégats. Mais elle est restée indécrottable sur ce sujet. Parce que c'est quelqu'un, d'abord, qui est averti, qui suit la loi et qui écoute bien. Elle a préféré être renégat que donner ses contributions. Elle a préféré rester dans la ligne du parti et respecter la parole donnée par son Excellence, le Président de la République. Est-ce que c'est clair? Je pense. Est-ce que je peux donner le troisième exemple? Oui. Abou Banza, notre représentante, j'ajoute représentante, c'est encore une brave dame, a dit il y a des contributions qui continuent à être exigées par des jeunes au pouvoir. Alors, des jeunes du parti au pouvoir, je précise. Alors, je lui ai demandé si c'était avec force ou si elle a déjà versé. Elle a dit, je ne peux pas continuer à verser les cotisations en dehors des cotisations qui ont été exigées et arrêtées par la prestigieuse institution présidentielle. Je ne cite que ces quelques cas, sinon partout c'était comme ça. Alors, aujourd'hui, ils sont informés, c'est-à-dire nos membres qui ne peuvent pas continuer à verser des cotisations en dehors des cotisations internes au parti parce que nous entendons participer aux prochaines élections. On ne peut pas donc courir deux lièvres à la fois. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si je peux m'en arrêter là. On va revenir vers vous. Passons la parole au secrétaire général du parti Frodebu, Nakirutimana Oswald. C'est toujours la même question. C'est toujours la même question que je vais aussi poser au président du parti Sawanya Frodebu, Nyakuri, Lagiyanda Daye. Est-ce que vous continuez ou pas à verser ces contributions? Merci, monsieur Léonce. Je pense qu'auparavant, on pouvait peut-être avoir confusion par rapport à cette question, parce qu'on s'apprête pour les élections et chaque militant doit contribuer pour les élections. D'une part, les contributions étaient fixées pour, en tant que citoyen, au niveau de la contribution nationale, des élections dans le cadre national, mais aussi en tant que parti, les contributions des membres, ça devient de routine. Parce que si effectivement on s'apprête pour les élections, on doit s'organiser pour voir comment exactement on va pouvoir affronter les charges liées aux préparatifs des élections au niveau interne. Mais par rapport au niveau général, comme mon prédécesseur Dori Prona l'a dit, et généralement, il y a quelques jours, quand la décision du président a été annoncée, il y a quelques jours pour évaluer. Il y a certains cas qui nous sont rapportés, et comme l'autre venait de le dire, que certaines exigences sont encore là, disparates dans certaines provinces. Mais pratiquement, moi je me dis que si réellement ça se pratique par erreur, parce que j'ai vu une autre décision qui semblait être similaire, la décision des annales. J'ai vu une lettre signée par un responsable de la régie des eaux, mais juste après, la lettre a été retirée et la décision a été annulée. Ça veut dire qu'il y a probablement qu'il y a certaines mesures d'accompagnement qui devraient aller avec la décision du président pour que la mesure soit un peu, plus ou moins effective. Mais au niveau local, le président était clair. Oui, il était clair, mais l'interprétation et la mise en œuvre, apparemment, au niveau des exécutants, il y a quelque chose qui semble ne pas aller très bien. C'est pour plaire à qui? Si c'est pour plaire, du moins. Non, ce n'est pas pour plaire. Généralement, quand une décision est prise, une loi est là, ça doit être mise en œuvre. Au lieu de la mise en œuvre, généralement, l'interprétation des décisions, l'interprétation des lois, ne vous en faites pas, tout le monde n'est pas habilité d'interpréter de la même façon. Le porte-parole du parti CNDD disait tantôt que certains de leurs membres, des militants du CNDD, ont été approchés pour continuer à contribuer. Est-ce que c'est le cas pour le Frodebout? Au niveau du Frodebout, nous avons eu certains rapports qui nous disaient effectivement qu'ils voient les jeunes du parti au pouvoir ou les autres qui étaient jadis mandatés à percevoir ces cotisations, faire des tournées au niveau de leur circonscription. Mais nous leur avons effectivement signalé que si les perceptions de ces cotisations ne sont pas que pour le parti CNDD, là, ça serait une erreur de la part de ceux qui sont en train d'effectuer cette activité. Mais si c'est pour le CNDD, tu cotises parce que tu es membre du CNDD, là, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas membre, à quoi bon de cotiser au niveau du parti dont tu n'es pas membre? C'est la même question pour le parti Frodebout Niakouli. Kefani Bizil, vous êtes le président de ce parti. Quelle est la situation chez vous? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord donner certaines précisions. Comme vous le savez, le gouvernement du Burundi a annoncé qu'il y a une nécessité que la population contribue aux élections de 2020 et pour combler le vide qui avait été laissé par le manque peut-être des donations de la part de la communauté internationale. À cette époque-là, il y a une ordonnance qui a sorti, une ordonnance conjointe des ministres de l'Intérieur et de celui et les finances dans cette attribution, qui coordonnait ces contributions. Et cette ordonnance est fixée, les montants qui peuvent être payés par les fonctionnaires selon le niveau de salaire, mais aussi cette ordonnance indiquait les modalités de perception des cotisations à l'endroit de la population en général, y compris même les élèves. À côté de ça, il y avait une autre cotisation que j'appellerais ad hoc, où un groupe de gens, des commerçants ou des fonctionnaires d'un ministère pouvaient s'organiser pour donner les contributions. À l'heure actuelle, le 1er juillet, lors du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance, nous avons appris que les prévisions, le montant qui avait été prévu est déjà atteint, et qui, pour cette raison, cette aide-là est suspendue. Donc, cette aide coordonnée qui devrait être payée par les fonctionnaires, par les élèves, par la population dans son ensemble, n'est plus, je ne dirais pas exigible, parce que même au départ, on disait que c'était volontaire, mais il reste uniquement les contributions que j'ai qualifiées d'ad hoc, où un groupe de personnes, une personne à son titre, peut donner une contribution sans qu'il y ait une coordination du ministère du gouvernement. La question que vous posez est de savoir si actuellement, il y a des gens qui continuent à percevoir cette contribution. Au niveau d'abord des fonctionnaires, des élèves, des étudiants, là, comme mon ami Dolipona l'a dit, on attend pour voir si à la fin du mois, on va connaître à le faire, mais nous pensons qu'on ne le fera pas. Parce que tout le monde a écouté, la parole est donnée par son Excellence, monsieur le chef de l'État. À ce qui concerne les cotisations perçues au sein de la population, nous, au sein de notre formation politique, nous n'avons pas encore reçu de rapport qu'il y aurait des administratifs qui continuent à percevoir ces contributions. Cependant, nous avons appris qu'il y a certains partis politiques qui sont en train de percevoir des cotisations pour se préparer aux élections de 2020 et que probablement l'un ou l'autre, je dis qu'il peut se tromper sur ses membres en introduisant la quittance de perception chez quelqu'un qui est de notre formation politique. Nous distinguons alors, chez nous, les contributions qui doivent être versées à l'État. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de nouvelles qu'il y a des responsables administratifs qui continuent à percevoir ces contributions. Mais qu'il y a certains partis politiques, je ne veux pas les citer parce que les représentants sont là ici, qui cherchent à percevoir les contributions pour les partis et que les perceveurs s'adressent à des membres. C'est plusieurs ces partis qui perçoivent ces frais. Bon, je l'ai dit comme ça. Donc, qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas les militants. Là, nous avons entendu que l'un ou l'autre, nos représentants provinciaux, c'était à Tchankouzo, je crois, c'était à Ngozi, à Moyinga, à Yael, on dit, nous avons rencontré des quittances chez nous. Moi, je dis non. S'il s'agit des contributions pour les élections perçues par les responsables administratifs, c'est déjà clos. Vous le ferez selon votre volonté. S'il s'agit des contributions pour un parti politique X ou Y, si vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas tenu d'y contribuer. Cependant, si vous jugez bon de le faire, tant pis pour vous, mais nous n'avons pas il n'y a pas d'exigence. Une petite question peut-être, est-ce que le parti Frodebou Niakouri, Ilagi Yanda Daye, aurait contribué pour l'État, donc pour ces élections de 2020? Alors là, en tant que parti. Nous avons fait une... Oui, j'ai compris la question. Il y a eu une organisation au sein des partis politiques regroupés dans le forum des partis politiques. Chaque parti politique a donné sa part. Et nous avons totalisé un montant dépassant 100 millions de francs burundais. Nous sommes allés ensemble à la BRB. Nous avons les membres du forum. Oui, nous avons versé cette contribution. Vous conviendrez par là que notre formation politique a contribué à travers le forum des partis politiques. Si je pouvais adresser la même question au Frodebou, au CNDD et à l'UPRONA. Vous avez participé en tant que forum des partis politiques pour déposer ces frais de contribution pour les élections. Non, au niveau du Nakirutimana Oswald, au sein du Frodebou. Au niveau du Frodebou, nous ne sommes pas membres du forum. Et au niveau, ce qui concerne l'organisation en tant que parti, dès le départ, on avait senti que la perception de ces frais-là, malgré qu'il y avait une ordonnance, on percevait les cotisations à travers plusieurs canaux, quitte à ce qu'on a senti qu'organiser encore une fois comme parti une somme à collecter qui est différente de celle qui est déjà donnée par nos membres à travers les canaux qui sont déjà fixés par la loi Jody, ceux qui sont des fonctionnaires, ceux qui sont des élèves, ceux qui sont au niveau des ménages, ils contribuaient individuellement et nous considérions que déjà c'était une contribution du parti. Donc la contribution du parti n'a pas été apportée comme telle en tant que parti, mais indirectement vous avez contribué. Je pense que là a été apporté aussi longtemps que nous avons des militants qui ont contribué. Peut-être ce qui n'est pas directement aujourd'hui évaluable, c'est combien ils ont contribué, parce qu'on n'a pas exactement fait un recensement pour savoir chaque membre combien il aurait contribué à travers le canal qu'il avait pour honorer cet engagement. Ok, c'est le même cas au sein du parti CNDD, Gaspard Kovaco. Merci pour la question. Comme le disait mon prédécesseur, on n'a pas versé une cotisation à travers le forum des partis politiques parce que nous n'en faisons pas partie. Et nous savons que le forum des partis politiques est financé par les subsides de l'État. c'est probablement d'où est venue cette contribution. Qu'en soit la nôtre, je ne veux pas spéculer. Je voudrais là, avancer. Vous en êtes sûr ? Très sûr. Parce que dans l'OTAN, nous en faisions partie. Maintenant que nous ne sommes plus, on ne sait pas si on a diminué ou augmenté. Toujours est-il qu'il y a eu son financement. Et ça m'étonnerait que ces contributions proviennent des partis individuellement. Alors j'avance. Cette contribution, au départ, était annoncée comme volontaire. Je ne sais pas si c'est libellé comme tel au niveau de l'ordonnance ministérielle, parce que je ne connais pas le contenu. Mais est-il que, par la force des choses, cette contribution est devenue exigible. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'à la limite, c'est un acte patriotique. Je ne peux pas pérouler là-dessus. On perçoit le contenu de cette ordonnance à travers les différents canaux de cotisation. Les ménages ont contribué, les élèves adultes ont contribué, les fonctionnaires ont contribué à travers un retrait à la source. Les couches de la population ont contribué par plusieurs canaux ou plusieurs sources. Maintenant, pour ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas compris le message du président de la République, ceux qui continuent à exiger ces cotisations par plusieurs façons? Alors, il y a des administratifs, il y a des administrateurs qui le font, il y a des directeurs d'école, il y a des jeunes. Qui exigent finalement, qui fait quoi? On devrait savoir, même au titre de contribution volontaire, ça passe par quel canal? Est-ce que ce sont des carnets de reçus? Est-ce que c'est travers un compte? Je vais vous donner un petit exemple. Un travailleur à qui j'avais confié une tâche me disait qu'on lui avait exigé une contribution de 2000 francs, lequel a exigé de sa part un reçu. Comme ces gens-là ne délivraient pas de reçu, ils ont dit, nous contribuons pourquoi? La réponse qui lui a été fournie était que c'était pour les élections. Évidemment, là, il lui a signifié que c'était arrêté, étant entendu que le message avait été donné sur la délibération le 1er juillet. Vous comprenez que... Donc l'argent n'a pas été donné. L'argent n'a pas été donné. Parce que les gens sont suffisamment intelligents pour ne pas se faire avoir. C'est-à-dire que ces contributions qu'on tente d'arracher de force, tantôt ils sont donnés par des gens qui sont gagnés par la peur. Pour d'autres, ils demandent des explications. Dans tous les cas, ces contributions ont été arrêtées. Il faudrait que les gens comprennent que ces contributions ont été arrêtées. Et si ces contributions devraient passer par le canal des partis, c'est une organisation interne. Ça ne devrait même pas faire beaucoup de bruit. Puisque dans la vie de tous les jours, de tous les partis politiques, les gens perçoivent des cotisations. Et ça ne fait pas de bruit. Alors, il faudrait peut-être arrêter cet excès de zèle qui va à l'encontre de la décision du président de la République. Voilà ce que nous pensons au niveau du parti CNDD. C'est l'excès de zèle au sein de l'UPRONA. Est-ce que le parti a contribué via le forum des partis politiques ou a contribué seul pour l'État pour... Oui, je voudrais d'abord donner l'éclaircissement parce que M. Kouakou vient de dire que les partis qui sont dans le forum des partis politiques que ont contribué. Que le forum est financé. Est financé par le gouvernement, pas du tout. Totalement. Ce sont des partis politiques qui ont contribué l'un à l'autre, ils ont donné une contribution et ils ont mis ensemble pour aller verser ça comme forum des partis politiques. La part qui provient du financement de l'État, vous ne l'avez pas touché? Non, pas du tout. Je ne sais pas si cela c'est pour le fonctionnement du forum, ce ne sont pas pour les contributions, je crois. Alors, le parti Prona a donné sa part, a contribué, et le parti Prona contribue même à partir pas mal de canons, parce qu'il y a des membres du parti Prona qui se trouvent dans les différents ministères, dans les différentes institutions, où les membres, à part les contributions qui sont perçues sur les salaires, ils ont contribué encore, ils ont donné. Le parti Prona n'a jamais laissé de sensibiliser ses membres de contribuer pour les élections. Alors, ce que je trouve, pour la contribution, c'est vraiment très bon parce qu'on devrait contribuer pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait les moyens nécessaires. Mais aujourd'hui, comme c'est déjà arrêté, alors on va donner volontairement. Ce que je trouve pas normal, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'exigence. Il faut que dans les collines, dans les zones, dans les communes, qu'il n'y ait pas, bien sûr, de forcing pour demander à la population de contribuer par force. Alors ça, si ça continue, je pense qu'au niveau du parti Prona, nous avons pas mal de membres dans les différentes collines. Les informations, nous les recevons à temps. Alors, on va continuer, bien sûr, à s'informer auprès de nos membres pour savoir qu'effectivement, il y a encore de forcing. Alors, s'il y a un parti politique qui veut continuer, bien sûr, tu peux être un parti politique et continuer à cotiser. C'est volontaire au nom du parti. Mais aussi, tu peux même donner la contribution État au nom du parti, mais continuer volontairement. Alors, au niveau du parti, nous avons alerté ça. Alors, nous allons bien sûr continuer à faire des cotisations au sein de notre formation politique interne. Et je pense que les cotisations qu'on demande en dehors de cela, ça sera effectivement d'aller en dehors de l'ordre donné par le président de la République. Merci. Avant de continuer, peut-être il faudrait écouter ensemble un extrait du discours de l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, parlant justement de la fin de ses contributions. Je voudrais rappeler que pour la mise en application de ce que son Excellence a déclaré la veille du 1er juillet, le ministre de l'Intérieur, de la Formation patriotique et du développement local, a adressé au gouverneur une lettre en date du 19 juillet pour leur demander de s'assurer, en collaboration avec les comités provinciaux chargés du suivi de contributions de la population, de s'assurer que toute somme qui a été collecté a été versé au compte concerné. Et la commission au niveau national chargée de cette activité passera dans toutes les provinces pour justement se rendre compte et vérifier que toute la somme a été acheminée jusqu'au compte ouvert à cet effet. Ainsi pour dire à la population, encore une fois, que les contributions exigées par le gouvernement ont été suspendues par la parole du chef de l'État. Alors aujourd'hui, qu'il y ait un parti politique ou un autre qui demande une contribution à ses adeptes, c'est son droit. Mais j'inviterai justement à la population de s'assurer que celui qui lui demande de contribuer appartient à son parti politique. Parce que la population, elle savent justement différencier l'idée de donner des partis politiques ou pas. Donc, selon vous, si jamais demain, d'autres partis se rendent sur terrain pour collecter les contributions électorales, ils sont libres? La contribution aux partis politiques est libre. Les partis politiques ne peuvent pas utiliser les mêmes moyens. Surtout que tous les partis politiques n'ont pas la même force. Et chacun utilisera le moyen qui lui convient, mais qui ne nuise pas à la paix et à la sécurité de la population. Il est recommandé que chaque activité qui est organisé par un parti politique soit annoncé à l'administratif du lieu. Isanganiro. Vous venez de l'entendre. Vous, Kefa Nibizi, au sein du parti Frodebunyakuri Hidagi Yandadae, quelle lecture, quelle serait la suite à réserver à ce message? Merci beaucoup. Je pense que le porte-parole du ministère ayant l'intérêt dans cette distribution a donné des qualifications suffisantes à ce qui concerne la mesure du chef de l'État de suspendre les aides coordonnées. Bon. Nous pensons donc que j'ai écouté trois messages dans cette déclaration. Le premier message, c'est vérifier que toutes les contributions sont déjà versées sur le compte destiné à les recevoir. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les contributions qui ont été données surtout par les ménages ne sont pas encore été toutes versées et sur le compte de destination. Et si cela est le cas, donc, comme vous savez, il s'agit de l'argent public qui a été perçu et tout le monde doit avoir un œil vigilant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse vite parce que nous savons qu'il y a un certain temps qu'on a emprisonné deux personnes dans la province de Lomongue, les accusant qu'ils ont subtilisé l'argent qui était perçu comme contribution aux élections. Là, nous demanderions que ce travail soit vite fait afin que toutes les contributions arrivent à destination parce qu'elles proviennent de la sueur de la population. Deuxième message, c'est qu'il a dit clairement, je répète ce qu'il a dit, que les contributions exigées par l'État sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Je pense que cette déclaration est claire est net et n'a pas besoin d'autres explications. Tous les administratifs sont sous la direction au sommet et du ministère de l'Intérieur. Et quand le ministère de l'Intérieur a déjà prononcé, a déjà signifié, et pour expliquer peut-être ce que le contenu du maître de chef de l'État, je pense qu'il n'y a aucune autre personne qui pourrait passer à côté de son message et de la décision prise par les instances habilitées. Troisième message que nous avons capté concerne les contributions perçues par les partis politiques. Alors, on a dit ça, on ne devrait pas s'y éterniser parce que les partis politiques vivent déjà des cotisations, des contributions des membres. Et la façon de le faire, je pense que ça n'a été déjà publié, on ne doit pas même le savoir si tel membre a contribué pour son parti. Ça, c'est vraiment très interne. Alors, nous aimerions que jusqu'à maintenant, si tous les partis politiques, un parti politique qui pense et collecter des cotisations pour se préparer aux élections de 2020, ou voire même pour donner une contribution volontaire aux élections, doit le faire, comme le porte-parole du ministère l'a dit, en s'adressant uniquement à ses membres. Mais si il y a des amis, où il dit, voilà, si vous savez, dans la tradition burundaise, quand vous avez des cérémonies, vous approchez vos amis, dire, aidons-nous. S'il y a une collaboration entre les gens, qu'elle se fasse de façon dans la logique de la collaboration, sans intimidation. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore appris qu'il y a un arrêt d'intimidation. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Donc, au niveau interne, vous dites que vos militants peuvent faire ces contributions exclusivement pour le parti. Ils le faisaient, même avant. Ils le font maintenant. Et ils le feront. Parce que les partis politiques vivent des contributions des membres. Et là, il y a une façon qui ne doit. Si j'ai appris que le porte-parole du ministère dit quand il y a une activité, il faut informer l'administration. À notre avis, la contribution pour un parti politique n'est pas publique. Ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une manifestation. Soit les perceveurs s'adressent aux militants, ils demandent des contributions. Cela ne doit pas être même annoncé parce que l'administration ne le saura pas. Même quelqu'un qui est à côté de toi ne saura pas si tu es en train de contribuer pour ton parti. Donc je pense que les contributions que nous faisons pour faire fonctionner nos partis et pour se préparer aux élections de 2020 doivent être faites, comme le porte-parole l'a dit, sans que ça ne cause pas de bruit ou ça ne cause pas une certaine stupeur ou des mésententes entre la population. C'est presque la même question pour le parti Frodebu, Oswald Dena Kirutimana. Pourquoi, selon vous, il y a des gens qui continuent à percevoir ces frais de contribution pour les élections aujourd'hui, après le discours du chef de l'État? Probablement que ça a été une erreur d'interprétation, peut-être, si je pourrais le dire ainsi. Parce que si vous avez pu suivre le message du porte-parole du ministère de l'Intérieur, quand normalement on donne un message comme tel, ça veut dire qu'on a déjà constaté qu'il peut y avoir quelque part certaines erreurs de la part de ceux qui devaient mettre en œuvre la décision. D'une part, c'est ce que j'ai compris. Mais d'autre part, en continuant à analyser le message, je constate également que lors de la collecte de ces cotisations, il y en a aussi qui n'avaient pas compris exactement la valeur de cet acte. On disait que c'est, ou on dit, mais on comprend même que c'est un acte patriotique. Je ne sais pas si, bon, comme ce n'est pas bien précisé, probablement que ça sera publié, mais ça devrait peut-être un jour que nous rencontrer avec les gens qui n'ont pas exactement acheminé les cotisations à destination. S'il advenait de tels cas, au niveau du Frodebu, nous exigeons ou nous souhaitons que ces gens-là soient publiés et soient sanctionnés. Si cet argent continue à être perçu, est-ce que vous estimez qu'il arrive à destination? Si cet argent continue à être perçu, mais ça doit continuer à être perçu sur quelle base? D'une part. Donc, ce n'est pas légal. Par ailleurs, moi, il y a une chose qui prêtait un peu de confusion. On dit que les contributions sont suspendues parce qu'effectivement, on a constaté que les prévisions seraient déjà atteintes. Mais on dit qu'on va continuer à contribuer de façon volontaire. On va continuer à contribuer de façon volontaire pour combler pour combler quelles sommes. Moi, j'ai eu un peu de confusion. Je ne sais pas qui pourrait me répondre dans le cadre de cette... Mais c'est quand même une petite question que je me pose un peu. Même au niveau du parti, on se pose la question de comment est-ce qu'on va continuer à percevoir de façon volontaire alors que les prévisions avaient été déjà atteintes et le président a déclaré. Je ne sais pas si Gaspard Kobako du CNDD a quelque chose à ajouter pour la lecture du message du porte-parole du ministère de l'Intérieur. J'ai quelque chose à ajouter. J'ai d'abord écouté attentivement l'extrait. Est-ce possible, vous y allez directement avec des défis liés à... Oui, j'ai écouté... l'extrait du discours de l'assistant du ministre de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local. Je m'en réjouis. C'était le 19 juillet de cette année 2019. Premièrement, il a dit que les comités provinciaux devraient s'assurer si les cotisations ont été acheminées. Sur les comptes, je pense. C'est une bonne chose. Mais je voudrais ajouter, il faudrait que... Il a donc des doutes. Compte tenu de ce qui s'est passé. Il faudrait que les comités provinciaux s'assurent que ces cotisations sont arrivées à bon port. Mais j'ajoute, il faudrait que ceux qui ont contribué puissent savoir si ces contributions sont arrivées effectivement. C'est la culture de la redevabilité. Quand on dit qu'un contribuable doit être fier, il doit être fier de ce qu'il a donné et s'assurer combien et si c'est arrivé à destination. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je crois que ça va dans la droite ligne du message du chef de l'État qui disait qu'il donne à moi, à ceux qui auraient, n'est-ce pas, mis d'autre côté pour ne pas dire, subtiliser ces cotisations pour justement les acheminer sur les comptes. Est-ce que cela a été fait? Il faudrait que les contribuables le sachent pour qu'ils soient fiers de leurs contributions. Le deuxième et vous message... Vous l'exigez au CNDD? Hein? Vous l'exigez? Absolument, puisque nos militants ont contribué via les différents canaux que je ne voudrais pas ressasser ici. Alors, maintenant, il y a les adeptes. Si les adeptes contribuent, je dis nos adeptes d'abord, ils ont l'obligation, et ça c'est statutaire, de contribuer de manière générale pour la vie du parti, mais de manière particulière pour se préparer avec détermination pour ces élections de 2020 dans lesquelles nous comptons participer. Donc nous faisons de cela une bonne lecture. Maintenant, si j'ajoute quelque chose par rapport à ce que disait le président du Sahwanya Frodebunyakuri, Kefani Bize, il a cité le cas de Lubonge. Et si ma mémoire ne me trahit pas, il y avait aussi le cas de Muyinga, pour ne citer que ces deux exemples. Il est important de savoir si cet argent a été déjà restitué, s'il n'est pas en train de faire, d'être capitalisé, pour le compte de ceux qui ont, n'est-ce pas, tenté de détourner. Mais enfin, le message que je voudrais donner à ceux qui contribuent volontairement, nous savons la situation socio-économique qui prévaut dans ce pays, à l'endroit des militants et des Burundais en général, il ne faut pas que cette volonté aille jusqu'au volontarisme, c'est-à-dire jusqu'à l'abandon de soi. Volonté, volontarisme. Ça veut dire que c'est une volonté qui va jusqu'à l'excès de zèle. C'est ça le volontarisme. Et tous les ismes, c'est-à-dire tous ces suffixes, vont à l'excès et risquent de plonger ces gens dans une situation qui les compromettrait. Il faut qu'il soit volontaire, que des gens ne s'impliquent pas pour dire « nous devons continuer à cotiser », parce que ça, c'est contre la volonté. Donc, il ne faut pas que cette volonté aille à l'encontre. Donc, c'est une volonté qui n'en est pas une. Exactement. Et je voudrais justement terminer par là. Il ne faudrait pas que cette volonté soit teintée d'une autre qualification. Mais avec votre permission, par rapport à ce que disait Olivier, je me réjouis qu'il dise que ce sont des contributions volontaires des partis regroupés au sein du forum des partis politiques. C'est une bonne chose. Je n'ai pas les moyens de le vérifier et je ne connais pas le faire. C'est un acte patriotique qu'il faut louer. Mais en ce qui nous concerne, nous avons contribué par des canaux appropriés. Et nous avons Chaque parti a contribué. Oui, oui. Chacun de sa manière. Ça veut dire que maintenant notre préoccupation majeur est que nos militants se préparent inéluctablement avec détermination pour des élections de 2020 et cela demande suffisamment de moyens pour ne pas être au four et au moulin. Voilà, je vous remercie. Merci. On va vers l'UPRONA. Olivier Nkurunziza, le porte-parole. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou à dire par rapport au message du porte-parole du CNDD, mais contribution pour les élections au niveau national, puis au niveau des partis, au niveau interne des partis, n'est-ce pas une double charge pour les citoyens? Il parlait de volonté et volontarisme. D'abord, je voudrais donner un petit mot sur le message du porte-parole. Oui. Le porte-parole du ministère, le message qu'il a donné, c'est un message très clair. Très clair, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas à se poser des questions. C'est clair que la population burundaise l'entend très bien qu'il n'y a plus de cotisation exigée par pour la population burundaise. Alors, mais ce qui m'a fait peur, c'est d'entendre qu'il y a encore une somme qui est encore là-bas, aux mains des autres des percepteurs, et qui n'est pas encore acheminée, bien sûr, dans les comptes. Bien sûr, je ne sais pas même si comment le gouvernement a pu compter que la somme a été suffisante, alors qu'il n'y a pas encore une autre somme qui est là, qu'on n'a pas encore fait acheminer. Je ne sais pas sur quel compte on a pu calculer. Et alors j'ai peur qu'une fois, peut-être si on a calculé sans toutefois tenir compte de cette somme, une fois cette somme sera perdue, on sera obligé peut-être de nous rappeler encore d'aller contribuer. Et je pense que ça n'arrivera peut-être pas. Peut-être c'est aussi une chance d'avoir des moyens de plus pour ces... Bon, si ça sera les moyens de plus, je sais qu'au Burundi, il y en aura toujours des élections. On va bien sûr conserver cette somme, et peut-être pour les élections de 2025, on ne demandera pas beaucoup. Et je pense, alors, pour cette question, de voir les contributions au sein du parti PRONA, les contributions internes, mais aussi les contributions qui ont été demandées par le gouvernement aussi, ce n'est pas une charge. Bien sûr, ça a été une charge au sein de la population burundaise, mais comme c'était un geste patriotique, on devrait le faire. On ne devrait pas croiser les bras, avoir que même... Dans 2020, étant un parti politique qui se prépare pour participer dans les élections, avoir qu'il n'y aura pas même les freins, mais les moyens d'organiser ces élections, c'était vraiment un défi majeur. Alors c'est la raison pour laquelle, même si c'était lourd, la population burundaise a montré ce geste, a montré cet amour envers le pays. Ce que nous demandons, c'est de bien gérer. C'est de bien gérer que cette somme ne soit pas, bien sûr, utilisée par d'autres faits que les élections. C'est peut-être la même question au sein du parti Frodebu Nyakuri, Kefa Nibizi. Des contributions pour les élections au niveau national, puis au niveau des partis, au niveau interne des partis, c'est une double charge pour les citoyens. D'abord, je voudrais signaler quelque chose en passant, qu'ici je me réjouis parce que je sais qu'au moment où la contribution des élections a été annoncée, pas mal de partis politiques ont clamé haut et fort qu'il s'agit d'une perception de trop, qu'on est en train de gêner la population. Mais aujourd'hui, à entendre tout le monde, notamment ici au plateau, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un acte patriotique. Pour nous, ça c'est vraiment déjà positif de comprendre qu'on doit s'assurer que les élections soient organisées par nos propres moyens, parce que ça relève de la souveraineté, de l'indépendance effective, les élections. Deuxièmement, ne vous en faites pas si on doit percevoir des contributions. Dans 119 communes et sur 3000 collines, il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Ça veut dire que même les cas que nous avons évoqués, qui ont été signalés, pour nous sont amplement un petit nombre pour dire que, à notre avis, nous apprécions positivement le travail, si du moins tous les cas ont été rapportés en tant que tels. Ça veut dire qu'il faudra d'une part féliciter l'administration qui a essayé de le faire tant bien que mal, parce que quand tout ce monde est là, est en train de percevoir les contributions, le dérapage ne pourrait pas manquer, mais on en a entendu peu. Ça veut dire que le travail s'est bien déroulé. Alors maintenant, on va percevoir les contributions pour les partis politiques et les contributions perçues par l'administration pour préparer les élections, est-ce que ce n'est pas trop? Alors là, un citoyen, il est d'abord burundais. Il doit faire vivre, faire fonctionner l'État burundais. C'est à travers des contributions, soit des taxes. Et l'État est aussi redevable aux citoyens. Je vais y arriver. Ça, c'est nous allons demander des comptes à l'État car nous avons contribué. On ne peut pas demander des comptes car on n'a rien donné à l'État. Ça veut dire que c'est normal que si un État doit vivre, si une association doit vivre, si un parti politique doit vivre, tous ces institutions, tous ces organes-là doivent vivre par les efforts de leurs membres. Alors, si quelqu'un est burundais, il sent qu'il a l'obligation de faire fonctionner sa cité par des contributions, des taxes, des impôts. Si quelqu'un adhère à un parti politique, il le fait volontairement. Personne n'exige l'autre d'entrer dans un parti politique. Il comprend qu'il doit faire vivre son parti politique. Alors, si il faut comprendre une chose, je vais aller plus loin. Quand M. Le roi Harushatsi a réunifié le Burundi, il y a eu beaucoup de sacrifices pour le faire. Quand Ntarugamba a pu délimiter les limites de notre pays, il y a eu beaucoup de sacrifices, y compris de vies humaines. Quand on a eu l'indépendance, il y a eu des sacrifices. Quand aujourd'hui, on vient d'avoir des institutions telles que les sont notamment... Donc pour le cas présent, les contributions, c'est sacrifice. Je vais y arriver. Quand nous avons pu, par exemple, avoir des forces de défense de sécurité qui sont telles que les sont, c'est après beaucoup de sacrifices, compris même des vies humaines perdues. Si maintenant, nous voulons arriver à une certaine autosuffisance financière, ne fût-ce que pour des actes ou des activités qui relèvent de la souveraineté, je pense qu'il est normal qu'il y ait une contribution à des hocs de courte durée pour pouvoir faire ce travail, ce qui a été fait. C'est pour cette raison même, à mon avis, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a vu que les prévisions sont athées à travers le rapport qu'il a reçu, il a dit, voilà, la population, vous avez donné vos efforts pour que les élections soient organisées indépendamment. On vous donne une pause, on suspend, mais celui qui est capable de le faire va continuer de le faire. Notre ami disait, il faut que cette volonté ne devienne pas volontarisme. Dans ce pays, le Burundi, il y a des gens qui, pour donner 10 millions, 5 millions pour les élections, c'est rien pour eux. Il y a d'autres mais pour donner... Mais il y en a d'autres pour donner 1000 francs ou 2000. Cela ne vaut pas... Cela ne vont pas le faire. Ah. Parce que maintenant, cette contribution n'est plus exigée, si j'emprunte les termes utilisés par le porte-parole du ministère, ou n'est plus coordonnée, mais on va faire à volonté ce qu'on peut faire. Si quelqu'un qui n'a pas mangé le matin ou midi ne va pas donner une contribution. Vous semblez avoir répondu à une question que j'allais vous poser, mais en passant, seriez-vous informé en tant que parti politique sur le montant prévu pour les élections de 2020? J'ai l'impression que dans une séance, je pense, il n'y a pas eu aucune réunion à l'intention des partis politiques à travers laquelle on nous a informé le montant nécessaire pour la contribution aux élections. Si je devrais le savoir en tant que président d'un parti politique, ça serait au même titre que tout citoyen, par des canaux communs à tout le monde. Donc je pense que les autorités qui ont annoncé ça l'ont fait en âme et conscience et qu'on ne peut pas prêter de doute à ce propos. Est-ce que vous vous êtes informé, Nakirutimana Oswald? Pour question d'information, nous, au niveau du Parti Sahagnan Frodebout, depuis le début, notre interrogation a été combien est prévu pour les élections. Pour qu'effectivement, si on sache contribuer, si on sache exactement déterminer la part de chacun, peut-être selon les différents moyens qu'on peut disposer, on est sûr que ces contributions vont effectivement couvrir les besoins exprimés. Mais on n'avait pas cette information. C'est pourquoi, par ailleurs, à un certain moment, il nous a même été difficile, au niveau comme parti, d'organiser une collecte organisée comme parti, parce que c'était difficile de donner la base matérielle par rapport à ça. Et vous y allez en répondant à une, disons, dernière question. Contribution aux élections. Est-ce que ça devrait toujours être ainsi pour les autres rendez-vous électoraux ou uniquement pour 2020, selon vous? Je pense que la décision de contribuer à travers cette voie qu'on a empruntée pour 2020, ça a été circonstanciel. Pour pour des échéances comme telles, on peut évaluer par rapport aux circonstances du moment. Ça ne devrait pas être une routine, mais aussi aujourd'hui, on l'a introduit alors que j'ai dit que ce n'était pas comme ça. Ça veut dire que la décision devrait être rationnelle par rapport à cette échéance qui, selon que l'événement est projeté. Gaspard Kovaco, qu'est-ce que vous en dites? Merci. Contribution aux élections. Que ça reste toujours ainsi pour les autres rendez-vous électoraux ou uniquement pour 2020? Je voudrais y répondre après avoir donné quelques éclaircissements par rapport aux interventions de tout à l'heure. À propos du montant. Oui, je vais y arriver. Ah. Monsieur Kefani Bizi a dit qu'il faudrait féliciter l'administration. Pour nous, au CNDD, ce serait peut-être aller vite en besogne. On la félicitera qu'elle rendra compte. Il a dit aussi que personne n'exige l'autre à adhérer au parti, à un parti politique. L'idéal, c'est ça. Mais il y a toujours des coercitions où on demande au parti, à certains des adhérents, aux adhérents de notre parti en particulier, que s'ils n'adhèrent pas au parti au pouvoir, ils vont être privés de certains services. Ouais. Je parle de ce que je connais. Je connais des cas. Je pourrais les donner, mais pas sur le plateau. Donc, que l'on concernant... quitte le CNDD pour le CNDD. Oui, oui, si n'adhèrent pas qu'ils seront... C'est très proche, CNDD, c'est un glissement. Ce n'est pas un glissement, hein. Encore moins un glissement de terrain. Je suis ancien, je sais le parcours, je sais comment on baptise et comment on s'appelle et d'où ça vient. Alors, le cas échéant, je pourrais vous donner des détails. Nous n'en sommes pas encore là. Oui, s'il le veut. Pour la question de sacrifice, peut-être je me garderai d'allonger les listes. Les sacrifices, ce ne sont pas ceux qu'on cite historiquement qui ont donné des sacrifices. Ils se connaissent par milliers. Je pourrais aussi vous donner plusieurs exemples. Pour la question du volontarisme, le volontarisme, c'est pour une personne qui voudrait donner au-delà de ce qu'il peut avoir, juste pour se faire voir ou montrer qu'on est capable, même si on ne l'est pas. Quelqu'un qui donne 10 millions, 100 millions, 1 milliard, quand il est nanti, ce n'est pas un problème. Alors, pour la question du montant, si nous sommes informés du montant, non, on n'est pas informés. On attend que les formations nous parviennent. Et enfin, pour les prochains... C'est tard ou il y a encore du temps? Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de nous inviter dans la plupart des réunions. Peut-être que c'est un clin d'œil que je fais. Et j'ai plusieurs exemples. J'aurai l'occasion de le dire très prochainement. Et je voudrais maintenant m'exprimer sur les prochains rendez-vous électoraux. Je pense que ce qu'il faudrait faire, ce serait de mener des consultations inclusives, sans exclusives, pour dégager un consensus et pour que tous ces problèmes que nous sommes en train de ressasser ici ne puissent pas avoir lieu ou se reproduire encore une fois. Il ne faut pas qu'il y ait des plaintes. Lorsque des choses sont élaborées de manière claire, concise et précise, la réalisation se fait comme sur des roulettes. Olivier de Luprona, contribution pour les élections, que ce soit pour 2020 ou même aussi pour les autres rendez-vous électoraux. D'abord, au niveau du parti du Luprona, nous l'avons déjà dit depuis longtemps. Il ne faut pas que dans un pays comme le Burundi, où on devrait avoir, après 5 ans, les élections, de compter organiser les élections à partir des aides externes. Ça ne se faisait pas. Parce que le gouvernement doit se préparer en moyen et d'une façon technique pour préparer les élections. Parce que les élections... doit être le coutume au niveau des Burundais. Alors au niveau du parti, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement d'abord se prépare très bien. Parce que dans les différentes réunions que nous avons faites avec la CENI, avant même qu'on demande la contribution, on avait signalé à la CENI de demander au gouvernement de tout faire pour qu'effectivement, on n'organise pas les élections en comptant sur les aides externes. Alors aujourd'hui, comme le gouvernement... peut-être s'est organisé très tardivement. C'est la raison pour laquelle peut-être a demandé à la population burundaise de contribuer. Mais il faut que sur la ligne budgétaire, à partir de l'année où le gouvernement sera mis en place après les élections, qu'on se prépare effectivement pour bien sûr chercher les moyens nécessaires à travers les moyens, les lignes budgétaires. Même si on trouvera que les moyens ne sont pas suffisants, on sera obligé de contribuer pour que les élections aient. Sinon, les Burundais, ce que je compte pour moi, il ne faut pas que les élections doivent être organisées en tenant compte sur des des aides externes. Mais la question que j'ai posée à tout le monde ici, vous êtes ou pas informé sur le montant prévu pour ce rendez-vous de 2020? Oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est une question qu'on a posée depuis longtemps. On a demandé avant que, attendez pour que l'équipe de la CENI doit se mettre en place pour effectivement nous donner les prévisions. Et même dans la réunion qu'on a tenue avec la CENI, on a dit qu'ils vont se mettre ensemble avec le ministère de Finances pour donner le quoi. Mais qu'il ne faut pas avoir peur, même s'il y aura l'excédent, ces fonds seront peut-être conservés quelque part, que ça sera toujours les fonds des élections. Alors pour nous, nous attendons toujours que la CENI nous donne, bien sûr, la somme nécessaire. Mais dans le calme encore et aujourd'hui. La patience. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a déjà vu que dans les prévisions, les moyens pour le moment sont disponibles. Merci Olivier Nkurunziza. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti UPRONA. Merci de votre contribution. Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir invité. Et je remercie aussi les amis que nous étions ensemble ici sur le plateau sur les discussions et échanges qu'on a effectués ici. Je vous remercie. Merci à vous, Kefani Wizi. Je rappelle que vous êtes le président du parti Sawanya Frode Bunyakuri, Iragi Yandadaye. Merci de votre contribution. C'est moi plutôt qui vous remercie de nous avoir invités. Je remercie aussi mes amis avec qui on était ensemble pour des échanges francs et sincères qui nous ont caractérisés. Mais aussi, je remercie tout l'auditoire qui nous a prêté une oreille attentive. Nous disons également merci à vous, Oswald Nakirutimana. Vous êtes le secrétaire général du parti Frodebo. Merci d'être venu. Et merci aussi pour m'avoir invité, et merci aussi pour avoir organisé une telle séance, parce que ça vient renforcer le message du président, de son Excellence le président de la République, le message du porte-parole que nous avons entendu, et probablement que certains des dérapages qui se serait produit après ces annonces serait peut-être par mes connaissances. Merci à vous aussi, Gaspard Kobako. Vous êtes le porte-parole du parti CNDD. Merci d'avoir été avec nous au sein de l'émission Mosaïque. Merci, monsieur Léonce Vitalio, pour cette invitation. Maintenant, nous sommes très contents parce que de plus en plus, la remarque que nous avons formulée a été entendue. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je remercie les amis avec qui nous sommes ensemble pour les échanges fructueux dans la complémentarité que nous avons faite. Et je remercie les gens qui nous écoutent à travers le monde, et nos militants en particulier. Et enfin, ceux qui sont en train de briller par un excès de zèle, de comprendre les messages aussi bien du président de la République et du ministère et à l'intérieur dans ses attributions. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur les contributions aux élections de 2020. État des lieux, défis, perspectives. L'émission mise en onde par Séraphine Hakizimana, réalisation de Jérôme Nionzima et au micro vous étiez avec Léon Sebitaliho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.